Nous sommes lundi, le 11 avril 2022. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal en langue française. Tout d'abord les titres. La pénurie de carburant qui s'observe dans différentes provinces du Burundi commence à présenter des conséquences. Dans ce journal, nous allons vous présenter la situation dans les provinces de Ngozi, Kirundo et Bubanza. Et le manque toujours du carburant peut entraîner l'arrêt du travail plus de 70% des pêcheurs. Vous allez le suivre dans ce journal. Et les habitants de Mirombero, commune Mugwis, dans la province de Cibitoke, demandent à la justice d'être impartiale pour éviter la justice populaire. Et chronique sport, le directeur technique du comité national et paralympique va nous parler de ce 6 foot où chaque équipe doit être représentée par 15 personnes. Voilà pour les titres. Nelly Kwihangana, stagiaire à la technique, est assistée par Albert Ndouayo. À la présentation, Jean-Marie Mayonga, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bonjour. La pénurie de carburant continue à se manifester en Ngozi et les conséquences commencent à s'observer. À part de la hausse du ticket de transport, les prix des produits agricoles et de première nécessité ont suivi. Il s'agit entre autres de l'huile de palme dont le prix par kilo a presque triplé et autres. Certains commerçants indiquent que leurs camions sont garés à la maison. D'autres expliquent que cette flambée par les prix exorbitants du carburant au marché noir une fois disponible à Apollinaire Muzagar. Le carburant est actuellement en minime quantité à Ngozi. Une fois disponible, il se trouve sur une seule station, alors que les véhicules et motos sont très nombreux dans cette province. Très peu sont donc servis. Même s'il y a de la transparence dans la distribution et conséquences, les prix de transport ont sensiblement augmenté ce lundi. Pour faire Ngozi, Gitega ont payé entre 12 et 15 000 francs bou contre 7 000 francs des temps normes. Ngozi Kayanza, le ticket qui était à 3 000 francs est aujourd'hui à 12 000 francs. Pour faire Ngozi Bujumbura, le ticket coûte 20 000 francs contre 7 000 francs d'alors et même pour d'autres provinces. Les prix des denrées alimentaires ont suivi le même rythme. Un kilo d'huile de palme s'achète à 6 000 francs bou contre 3 ou 2 500 francs. Et le kilo de pommes de terre qui se vendait à 800 francs s'achète actuellement à 1 200 francs. Les commerçants contactés expliquent cela par l'absence de carburant qui fait que leur véhicule soit garé à la maison et le prix élevé de ce produit au marché noir. Une bouteille en plastique d'un litre et demi se vend à 15 000 francs actuellement. La population craint le pire. Une fois la situation perdure, Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Muzagara à Kitongozi pour nous rendre à Kirundo où les prix des produits sur le marché deviennent plus exorbitants ces derniers mois. Un kilo de farine et de manioc ou du maïs s'achète à 1200 francs burundais alors qu'il s'achetait à 500 francs bou. Et le riz appelé communément Bourdio et cultivé à Kirundo s'achète à 2600 francs alors qu'il était à 1800 francs burundais. Les commerçants expliquent en disant que les produits ont monté de prix suite à la pénurie de carburant et la population demande au gouvernement de fixer les prix des denrées alimentaires pour stopper les spéculations de certains commerçants. Le point avec Abraham Safari. Au marché de Kirundo, les prix des denrées alimentaires sont devenus exorbitants. L'exemple typique est d'un kilogramme de farine ou de manioc qui s'achetait à 500 francs et s'achète actuellement à 1200 francs. Un kilogramme du riz, communément appelé Bourdiohe, produit en province de Kirundo, qui était sur 1800 francs, s'achète actuellement à 2600 francs le kilo. Un petit bidon de 5 litres de coton qui s'achetait à 24 000 francs s'achète entre 42 à 45 000 francs. Un kilogramme de viande de sans os s'achète à 12 000 francs alors qu'il s'achetait à 9 000 francs, tandis qu'un régime de banane qui s'achetait à 7 000 francs s'achète pour le moment à 12 000 francs ou plus. Les commerçants, quant à eux, disent qu'ils sont obligés de monter les prix car eux aussi, ils achètent ces denrées à des prix élevés. Autre chose, explique ces commerçants, la pénurie de carburant s'est répercutée sur les tickets de voyage qui se sont multipliés par deux ou plus. La population de Kirundo signale qu'elle est dans une incapacité de supporter ces prix élevés et demande au gouvernement de fixer les prix des denrées alimentaires pour limiter des spéculations de certains commerçants. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci à toi, Abraham Safari. Et à Bubanza, le prix de transport des marchandises en provenance d'autres provinces a doublé dans ces jours de pénurie de carburant. Les commerçants doivent hausser à leur tour les prix de ces produits afin de ne pas travailler à perte. Les commerçants du marché de Moussegni en commune Mhanda qui le disent et demandent que le problème de manque de carburant soit résolu. Spescartas Cabagnal. Au marché central de Moussaigny, en commune Manda, se rencontrent beaucoup de personnes, surtout des clients en provenance de Bujumbura. Les commerçants grossistes de haricots contactés ce dimanche précisent que le coût de transport des marchandises a doublé depuis que le problème de manque de carburant a commencé. Dongozi ou Kayanza, où ils s'approvisionnent, ils payaient 25 000 à 30 000 francs burundais auparavant dans un propox qui transporte aussi d'autres passagers jusqu'à Bujumbura, mais actuellement, ils sont contraints de payer 50 à 60 000 francs, comme ils le disent. Et quand ils s'approvisionnent à Bujumbura, à Kinama, ils payaient auparavant 12 à 15 000 francs jusqu'à Moussaigny. Mais aujourd'hui, c'est entre 30 à 40 000 francs. Et le chauffeur compte aussi le trajet de déviation qui passe par Gihanga, car le pont de la rivière Murago a été coupé. Son haricot, tout comme d'autres produits, deviennent alors chers au marché suite au coût de transport, selon les mêmes commerçants qui veulent eux aussi gagner. Cela étant, le haricot appelé Muhoro coûte actuellement 2 800 francs le kilo, alors qu'auparavant, il s'achetait à 1 800 francs. Kinure, qui coûtait auparavant 1 400, s'achète actuellement à 2000 jusqu'à 2300 francs le kilo. Ces commerçants demandent aux autorités de résoudre le problème du manque de carburant afin d'éviter le pire. Spescaritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci à toi, Spescaritas Kabanyana, quittons Wanza pour nous rendre à Rumonge où plus de 70% des pêcheurs ont arrêté le travail avant l'automne, faute de carburant. Gabriel Boutoy, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, qui donne ses chiffres, informe que cette activité qui faisait vivre plusieurs personnes risque de s'arrêter complètement, plongeant du coup dans la famine, plusieurs famines. Jean-Pierre Misago. Depuis la nuit de ce samedi, l'effectif des bateaux de pêche a sensiblement diminué dans le lac Tanganyika et les quelques pêcheurs qui prestent encore restent près des plages de pêche où les prises sont minimes de peur de voir leur moteur s'arrêter en plein lac, faute d'essence, et éprouver ainsi des difficultés de pouvoir accoster à la plage avec des pagaies. Gabriel Boutoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, indique que plus de 70% des pêcheurs sont déjà rentrés chez eux, faute de carburant, avec tout ce que cela entraîne comme difficulté de pouvoir nourrir leur famille, une opération qui se faisait journalièrement en temps normal. Même ceux-là qui prestent encore peuvent arrêter leur travail à tout moment, même s'ils avaient encore jusqu'au 15 avril courant pour prester avant le repos, poursuit Gabriel Boutoyi. Pour lui, il est urgent que le carburant soit disponibilisé dans les stations de service pour pérenniser la pêche et préserver de cette façon les pêcheurs d'une extrême pauvreté. Par ailleurs, ce représentant des pêcheurs demande à l'autorité compétente de délivrer une dérogation spéciale aux pêcheurs afin qu'ils s'approvisionnent en bidon partout où l'essence est disponible, estimant que c'est leur seule façon de pouvoir le transporter. Plus de 15 000 pêcheurs prestent dans le lac Tanganyika, selon les chiffres fournis par la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro, le journal continue. Il s'observe de la criminalité sur la colline Mirombero de la commune Mourgui. Les litiges fonciers sont souvent la cause. Cela ressort de la population de cette localité appuyée par les administratifs à la base. Depuis le mois de février jusqu'à présent, deux personnes sont déjà tuées, trois blessées grièvement par machette. Les habitants de Mirombero demandent à la justice d'être impartiale pour éviter la justice populaire. Reportage signé Alexis Deragic. Selon les habitants d'Omirombero de la commune Mogui, appuyés par les administratifs à la base, il s'observe des conflits fonciers entre les membres de certaines familles de cette localité. Souvent, lorsque les gens en conflit saisissent la justice, ceux qui sont lésés commencent à accuser les autres de sorcellerie. Ces accusations de sorcellerie se terminent le plus souvent à la criminalité. Depuis le mois de février de cette année, deux personnes sont déjà tuées, trois autres blessées grièvement par machette. C'est toujours sur cette colline de Mirombero de la commune Mogui. Les habitants de cette localité demandent au personnel de la justice d'être impartial pour éviter ces cas de justice populaire. L'administrateur de la commune Mogui, Merkenzo Kizwanayo, demande à la population de rompre avec la justice populaire. À la justice, Merkenzo Kizwanayo demande lui aussi l'impartialité. Depuis Chuitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Lors des compétitions internationales de CECIFOOT, chaque équipe doit être représentée par une délégation de 15 personnes, y compris 10 joueurs, les entraîneurs et les médecins. Cassier Bizabi Gomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national et paralympique, fait savoir que parmi ces joueurs, il y a deux gardiens de but qui n'ont pas le problème de vision. Les détails avec Marie-Claire Kazenet. Les équipes qui ont l'obligation de participer dans les compétitions officielles de CECIFOOT doivent présenter l'effectif de 15 joueurs. Explication de Cassier Bizabi Gomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique. Au cours des jeux ou compétitions officielles, on admet par équipe 15 personnes par équipe. Ici, il nous parle comment ces 15 joueurs sont subdivisés dans le terrain. C'est-à-dire que ces 15 personnes sont divisées ou subdivisées comme ça. 8 joueurs, donc 4 joueurs qui sont au jeu et un gardien de but. Donc, 4 joueurs remplaçants. Donc, les 4 joueurs sur le terrain et 4 remplaçants sur le banc de touche. Il y a 2 gardiens de but. Donc, un gardien de but qui est dans le goal et un gardien de but sur le banc de touche. À cela s'ajoute un guide qui aide les joueurs dans le déplacement, deux entraîneurs ainsi qu'un traducteur, selon ce directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique. Un guide, c'est celui qui aide dans le déplacement des joueurs. Et on compte aussi deux entraîneurs, c'est-à-dire un entraîneur et son assistant. Aussi, on compte un médecin ou un docteur et enfin un kinésithérapeute. Ça fait 15 personnes. En plus de ces 15 personnes, il est admis un traducteur. Un traducteur qui peut être autorisé si une équipe en a besoin. Donc, le traducteur est autorisé si une équipe quelconque en a besoin. Cassien Bizabi Gomba précise que ce traducteur ne doit pas être compté sur la liste des membres de délégation. Merci à Marie-Claire Kazeneza. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à Nelly Kwihangana, stagiaire technique ici à la radio Isanganiro, assistée par Albin Douayo. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga qui vous souhaite de passer une bonne journée. Mais juste après cette édition, c'est la revue régionale de la communauté est-africaine.